La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous au troisième jour de notre série consacrée à l'écrivain colombien Gabriel García Márquez. Avec Gabo, comme on l'appelait affectueusement, bien au-delà de son cercle de connaissances, tout renvoyait inexorablement aux histoires que lui avait racontées son grand-père, ces histoires d'Aracataca, le village où il était né en 1928. Une histoire notamment, celle de la répression des ouvriers de l'entreprise United Fruits, devait marquer le jeune garçon et faire grandir en lui une fibre de révolté exubérant. Sa vie littéraire et engagée, nous l'avons raconté lundi, c'était avec Annie Morvan qui a traduit bon nombre de ses œuvres en français. L'exubérance chez García Márquez, elle était aussi évidemment littéraire, comme dans L'automne du patriarche, ce roman dans une veine grotesque dont nous a parlé hier Rémi Astruc, avant que Vincent Message n'évoque la nouvelle intitulée Les funérailles de la grande mémé, en deuxième partie de cette même émission. Enfin demain, avec Gustavo Guerrero, nous parlerons du court roman Chronique d'une mort annoncée, mais aussi plus généralement de la littérature colombienne et sud-américaine. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, afin de présenter l'univers de Gabriel García Márquez, pour reprendre le titre de l'un de ses essais publié en 2008 aux éditions Ellipse, nous sommes avec Caroline Lepage, professeure des universités à Paris-Nanterre et qui a fait sa thèse sur les symboles dans l'œuvre de Gabriel García Márquez. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Mon souvenir le plus vif et le plus constant ne tourne pas autour des personnes, mais de la maison, celle d'Aracataca, où je vivais avec mes grands-parents. C'est toujours le même rêve qui persiste encore aujourd'hui. Mieux encore, tous les jours de ma vie, je me réveille avec l'impression, vraie ou fausse, d'avoir rêvé que je suis dans cette maison. Pas que j'y suis revenu, mais bien que je m'y trouve, sans âge. Et sans aucun motif particulier, comme si je n'avais jamais quitté cette vieille maison énorme. Et pourtant, jusque dans mon sommeil, j'ai gardé ce sentiment très fort à l'époque, la peur du noir. C'était une sensation irrémédiable qui commençait toujours à la tombée de la nuit et qui me tourmentait encore en dormant, jusqu'au moment où je voyais la lumière d'un jour nouveau à travers les fentes de la porte. Je n'arrive pas à définir les choses clairement, mais il me semble que cette peur avait une origine concrète. C'était dans la nuit que prenaient corps tous les fantasmes, toutes les prémonitions et tous les récits de ma grand-mère. L'image qui me vient à l'esprit pour décrire mes rapports avec elle serait une sorte de cordon invisible par lequel nous entrions tous deux en contact avec un univers surnaturel. Le jour, cet univers magique de ma grand-mère me fascinait, je le vivais, c'était mon propre monde. Mais la nuit, il m'emplissait de terreur. Aujourd'hui encore, il m'arrive de me réveiller en sursaut, en proie à cette horrible peur d'être seul dans le noir. Et il me faut toujours quelques minutes pour réaliser ce qui m'arrive et me rendormir. Bonjour Caroline Lepage. Bonjour. Alors il fallait revenir un petit peu à cette maison et à l'enfance de Gabriel García Márquez, car dans votre essai, vous commencez par évoquer ce que vous appelez la scène primitive de Gabriel García Márquez. Et cette scène primitive, elle se passe dans l'enfance, qui était évoquée à l'instant dans l'extrait qu'on vient d'entendre. La scène primitive, elle concerne les parents, en fin de compte, à qui on a interdit de s'aimer. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça un petit peu, Caroline Lepage ? Alors, c'est quelque chose qu'il racontera fictionnalisé dans Chronique d'une L'amour au temps du choléra. C'est un roman de 1985 et où ses parents se rencontrent, tombent amoureux, mais elle est issue d'une des familles en vue de Aracataca. Quant à son père, lui, il est le télégraphiste du village. Et les parents voient ça d'un mauvais œil et interdisent aux deux jeunes gens de se voir, de s'aimer et a fortiori de se marier. Mmh. Et les parents considèrent que les amours des jeunes filles étant ce qu'ils sont, il suffira de l'envoyer à l'autre bout du pays pendant quelque temps pour lui faire oublier la passion et revenir à la raison. Sauf que tout le long de la route où ils font des haltes, il y a des télégraphes, des postes de télégraphes. Et donc la jeune femme ne reçoit pas des SMS mais des télégrammes et cela ne fait évidemment que aviver la flamme. Et quand les parents se rendent compte de ça, ils lui disent de revenir à Rakataka et effectivement d'épouser son télégraphiste, mais à la condition qu'ils élèveront leur premier enfant qui sera notre Gabriel Garcia Marquez. Oui. Mais alors voilà. Pourquoi est-ce que c'est une scène primitive qui va avoir tant d'importance dans l'œuvre elle-même? Alors en réalité, la scène primitive, c'est ce qu'il raconte dans le début de le voyage Birkel Asemia, vivre pour le raconter. Voilà, c'est-à-dire le retour à Rakataka en 1952. Donc la redécouverte de la maison. Voilà, c'est-à-dire que D'accord. La maison, il y a vécu toute son enfance. Il en a été séparé à l'âge de 7 ou 8 ans, ce qui a été véritablement un traumatisme pour lui. Ce traumatisme, il le racontera dans les premières nouvelles qu'il écrit dans les années 40, dans le recueil qui porte le titre « Des yeux de chien bleu ». Et puis, il n'y retourne pas jusqu'en 1952. Les grands-parents sont morts dans l'intervalle. Il s'agit de vendre la maison et sa mère lui demande de l'accompagner pour ce moment difficile. Et puis là, il arrive à Rakataka et ça n'est plus du tout comme il en a le souvenir. Et c'est surtout qu'il se rend compte que ça n'a jamais été comme il pensait que ça l'était. Mmh. Puisqu'on le lui avait raconté, sa grand-mère, ses tantes, son grand-père, et ils avaient mythifié le passé de ce village. Et puis lui, avec la distance, la nostalgie, il y avait aussi une distorsion par le biais des souvenirs, de l'absence, du manque. Et donc, en fait, il avait une idée qui était complètement déformée du village. Et quand il y revient en 1952, il a le choc et une double déception. Déception à l'égard des souvenirs, à l'égard de la construction imaginaire qu'il avait bâtie autour de ce village, où il s'était dit « la réalité est affreuse, mais il suffira que j'y retourne à Rakataka pour que tout recommence comme avant ». Et donc cette scène primitive, c'est « je me rends compte que la réalité est doublement décevante ». Et c'est pour cette raison qu'on se réfugie dans les livres, c'est ça ? Et c'est pour cette raison qu'on va donner une seconde chance sur cette terre à Rakataka dans la fiction. Alors vous avez cité « Ojos de Perro Azul », ça c'est le premier texte, ou l'un des premiers textes ? Alors c'est un recueil qui a été assemblé en 1974, mais qui rassemble des nouvelles qui ont été écrites entre 1947 et 1952. Que nous on ne connaît pas France, parce qu'ils n'ont pas été traduits ces textes. Ils ont été traduits, mais malheureusement pour eux, ils bénéficient d'une fortune critique déplorable. Oui. En particulier, alors je l'aime beaucoup Vargas Llosa, mais il a dit pique-pendre de ses nouvelles, comme c'était la prime réception, ça a vraiment figé l'interprétation de ses textes. En particulier, il dit en substance que c'est une préhistoire un peu ténébreuse et que heureusement que Garcia Marquez s'est ressaisi après pour devenir le grand auteur qu'il allait devenir. Mmh. Alors qu'en réalité, quand on les analyse de plus près, on se rend compte qu'il y a des jeux de continuité qui sont très étroits entre ces nouvelles, Cent ans de solitude, L'automne du patriarche, etc. Mais surtout avec Cent ans de solitude. Et en quoi est-ce qu'on est déjà en route vers Cent ans de solitude à cette époque-là ? Alors, la première nouvelle qu'il écrit, donc c'est La troisième résignation, raconte l'histoire d'un petit garçon qui, à l'âge de 7 ou 8 ans, est atteint d'une maladie très grave. Il est mort. Mmh. Voilà, très grave. On fait venir le médecin qui dit « Ah oui, effectivement, c'est très très grave, mais ne vous inquiétez pas, vous allez lui faire construire un cercueil, vous allez le mettre dedans, et puis voilà, on va attendre de voir ce qu'il se passe. » Et alors la maman lui fait faire un petit cercueil pour un enfant de son âge, et le médecin lui dit « Oula, malheureuse, comment voulez-vous qu'il grandisse si vous le mettez dans une petite boîte pour un enfant de 7 ans ?» Et donc on lui fait fabriquer un cercueil d'adulte. Et puis progressivement, il grandit à l'intérieur de ce cercueil. Sauf que, au fur et à mesure qu'il grandit, son corps va se mettre à évoluer et il va y avoir une transition entre soit ce corps doit mourir complètement, soit revenir à la vie. Mmh. Bon, et comment est-ce qu'il arrive à subsister? Par un système d'auto-nutrition. Donc là, on voit bien univers clos, de la même maison, de la même manière que la maison de Rakatraka sera un univers clos, auto-alimenté. Alors, dans 100 ans de solitude, ce sera la répétition des mêmes, l'inceste, etc. Et à la fin, la décision ultime de choisir, est-ce que on remet Macondo à la réalité réelle, historique, sociale, politique, etc. Ou alors, est-ce qu'on l'enferme définitivement dans la littérature en le faisant disparaître à la dernière page? Donc, l'omniprésence de la mort, c'est un thème qu'on va retrouver tout le temps chez Garcia Marquez. Et c'est déjà présent très clairement dans ce premier texte, de la mort ou même de l'entre-deux entre la vie et la mort. C'est ça. En fait, c'est notionnellement un petit peu compliqué parce que ça n'est pas la mort morte, c'est la mort vivante. De la même manière que ce n'est pas la vie vivante, c'est la vie morte. Parce que tous les personnages qui sont vivants sont parallèlement morts ou en passe de mourir et ils ont le choix. À chaque fois, là, par exemple, il y a une nouvelle qui s'appelle « Eva est à l'intérieur de son chat » et c'est une femme qui meurt. Et qui son esprit flotte pendant un moment au-dessus de l'ancienne maison où elle a habité. Et là, elle se demande si elle opterait pas pour la réincarnation. Et quand elle se penche sur sa maison pour voir les êtres qui lui étaient chers du temps quand elle vivait, elle se rend compte qu'il ne reste plus qu'un chat. Mmh. Et là, elle se dit, mais alors, qu'est-ce que serait la vie réincarnée dans un chat? Parce que finalement, moi, je voudrais être réincarnée pour manger une orange. Mais si j'étais un chat, je voudrais manger des souris. Voilà, et donc là, on voit bien, il y a le choix. Si je suis réincarnée, il faudra que je accepte de vivre dans la réalité où on mange des souris et non des oranges. Et ça renvoie à quelle angoisse existentielle chez Garcia Marquez? Alors ça, c'est quelque chose qu'il a raconté de manière récurrente dans les entretiens qu'il a donnés, et notamment dans un entretien qui a été traduit, ça a été publié en 1982, ça s'appelle « L'odeur de la goyave », que je conseille à tous les amateurs de Garcia Marquez, parce que c'est vraiment c'est très très riche. Voilà. Et dans ce texte-là, il raconte que quand il était petit, sa grand-mère, le soir, le faisait venir avec son petit tabouret, et lui demandait d'être silencieux, de regarder les tâches ménagères, etc. Et lui disait, il ne faut pas que tu fasses de bruit, parce que tu sais, au fond du couloir, au premier étage de la maison, il y a une petite porte, et derrière cette porte, il y a la chambre de l'oncle Lázaro, il habite là, et si tu fais trop de bruit, il viendra. Et de la même manière qu'au deuxième étage de la maison, il y a la tante Petra. Bref, donc lui, il a entériné que, en fait, les vivants et les morts cohabitent. Simplement, ils n'occupent pas tout à fait les mêmes espaces. Mais de temps en temps, ça se réunit. De la même manière que Melquiades revient à Macondo deux fois. Alors, vous employez un terme aussi que j'aimerais que vous nous explicitiez. C'est le terme de narcissique. Vous dites, la littérature de Garcia Marquez est à ce moment-là, donc l'époque dont on parle, les premiers textes, principalement narcissique. Son ambition n'est en rien la représentation du réel. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme-là? Est-ce que c'est péjoratif pour vous ou pas? Non, disons que ce serait un synonyme de autocentré. C'est-à-dire qu'il fait un journal intime de l'écriture de soi et ce ne sont même pas des personnages parce qu'ils ne sont pas incarnés. C'est-à-dire c'est des instances, des voix, des perceptions, et il s'écrit à travers ces voix. C'est-à-dire il s'écrit dans une réalité où on peut être à la fois vivant au milieu du réel, mais se sentir mort puisque on a été privé d'Arakataka et de la seule réalité qui nous intéresse sur Terre. Vous l'avez dit, je crois, avec Annie Morvan, Garcia Marquez a dit qu'après après avoir été séparé de son grand-père, il ne lui est plus rien arrivé d'intéressant. Eh bien, après Arakataka, il ne lui est plus rien arrivé d'intéressant. Et donc, il s'est mis en retrait du monde. On lui a dit que dans la maison d'Arakataka, quand on était mort, on pouvait être dans des pièces isolées. Eh bien, lui, il s'est isolé, il était hors du royaume de ce monde. Donc c'est tragique, au fond, à la fois la vie et la littérature de Garcia Marquez. C'est une littérature de la destruction. Alors, c'est une littérature, on pourrait dire, peut-être compensatoire, ou de faire la preuve que la littérature peut héberger ce monde idéal dont on a le souvenir, qu'on nous a raconté, qu'on a fantasmé, et lui trouver une place, lui trouver tout un début, un milieu, une fin, un langage, et autonome. Ouais. Alors en 1955, c'est l'apparition du premier roman, en espagnol « Hojarasca », en français « Des feuilles dans la bourrasque ». On va en entendre tout de suite un extrait. Brusquement, comme si un tourbillon s'était enraciné au centre du village, la compagnie bananière arriva. poursuivi par une nuée d'individus roulant comme feuilles mortes par grand vent. C'était un tournoiement désordonné et tumultueux, formé par les déchets humains et matériels des autres villages. Les déchets d'une guerre civile qui paraissait de plus en plus invraisemblable et perdue dans le temps. Ces déchets, ou, comme on dit chez nous, cette hojarasca, étaient implacables. Elle contaminait tout de son remugle de multitude, de son odeur de sécrétion à fleur de peau et de mort sous cape. En moins d'un an, elle déversa sur le village les décombres des catastrophes nombreuses qui l'avaient précédées et dispersa dans les rues son chaos d'immondices. Et ces déchets, à la hâte, au rythme imprévu et fantasque de la tempête, se différencièrent. Ils s'individualisèrent au point de transformer ce qui avait été jusqu'alors une rue de rien avec une rivière à un bout et un enclos pour les morts à l'autre bout, en un village méconnaissable et compliqué, constitué par les déchets des autres villages. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous sommes avec Caroline Lepage et nous parlons de Gabriel Garcia Marquez. Que faut-il retenir, Caroline Lepage, de cet extrait qu'on vient d'entendre selon vous ? Alors ça, c'est la description d'une des premières... Alors, pour reprendre cette histoire de scène primitive, pour bien comprendre. Donc, à partir de là, il se dit qu'il ne connaît pas le passé d'Arakataka, puisqu'il n'en a qu'une connaissance par la médiation du récit, et a fortiori les récits des autres, qui ont déréalisé cette histoire. Donc il se dit qu'il faut qu'il mène l'enquête sur ce qui a conduit à la découverte d'un Arakataka qui est radicalement différent de celui qu'il avait vu. Et donc, dans son enquête, au fil de cette enquête, il découvre en particulier ce qui, dans la réalité historique, sociale et politique de la Colombie, a entraîné des mutations, les changements d'Arakataka. Alors ça commence, ce premier roman, par une phrase qui dit « Pour la première fois, j'ai vu un cadavre ». Et voilà, c'est la phrase déclencheuse. Puisque nous avons dit que, étant donné le type de rapport qu'il avait avec la mort, qui n'était pas une frontière, simplement un état, et c'est surtout une localisation dans l'espace de la maison, il ne savait pas, paradoxalement, que la mort, c'était la finitude. Et là, il écrit, ce petit garçon de la hojarasca, il a symptomatiquement 7 ou 8 ans. Et on voit bien qu'il s'agit d'écrire l'histoire depuis la découverte de ce qu'est réellement la mort. Voilà. Alors justement, pourquoi est-ce un enfant qui est narrateur ? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans toute l'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. Il y a même un couple enfant-adulte qui se retrouve très fréquemment. Quelle signification on peut mettre à cela ? Alors ça renvoie à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire... Alors, si ce n'est l'autofiction, mais en tout cas la mise en écriture du souvenir qu'on a de la période idéale, c'est pour ça que il m'est arrivé de parler de syndrome de Peter Pan s'agissant de Garcia Marquez. C'est-à-dire qu'il s'agit d'utiliser la littérature pour prolonger cet état idéal, l'état des histoires. Et s'il n'est pas anodin que Cent ans de solitude commence précisément par la mise en demeure en entrant en Macondo, de renoncer à l'état adulte, au risque d'être fusillé, et d'accepter un pacte de lecture qui serait celui où on redevient un enfant, c'est-à-dire on y croit. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'immaturité là-dedans ? Alors possible, mais c'est... En tout cas, ça fait la matière d'une œuvre... vraiment très d'un auteur mûr et qui maîtrise parfaitement son écriture, les structures, et qui, je pense, tient bien son lecteur de la première à la dernière page, et c'est une sacrée gageure. Ouais. Alors, un auteur auto-centré peut-être, mais qui commence au fur et à mesure à élargir les horizons et qui laisse filtrer au goutte à goutte, pourrait-on dire, la réalité sociopolitique de la Colombie, avec par exemple son roman Le Pas de lettres pour le colonel, en espagnol El colonel no tiene quien le escriba, pardonnerez mon accent. De quoi s'agit-il avec ce roman ? Alors, c'est compliqué. Là, pour le coup, il faut vraiment tenir compte du contexte d'écriture. Il écrit ce texte en 1958. Et il est à Paris, mais surtout, ses amis latino-américains, ça c'est des choses aussi qu'il a racontées dans l'odeur de la goyave, le culpabilisent parce que après avoir lu ses nouvelles des yeux de chien bleu, puis la hojarasca où il raconte son enfance, sa perspective d'enfant sur la réalité, etc., on lui dit, écoute, tu écris essentiellement sur tes petites histoires, or tu as un devoir en tant qu'intellectuel de participer à l'effort collectif des auteurs latino-américains pour changer le réel. Il y a eu la révolution cubaine en 59, donc on le met en demeure véritablement, hein, c'est ce qu'il a dit. En particulier, il dit que c'est Cortázar qui l'a culpabilisé en disant « il faut que tu écrives quelque chose qui soit véritablement engagé ». Ouais. Bon, alors ça a été une grosse contrainte pour lui. Mais il a écrit ces deux livres que sont le colonel, Pas de lettres pour le colonel et La Malaura. Voilà. Mmh. Et donc, il raconte l'histoire d'un vieux monsieur qui est un colonel de la fameuse guerre des 1000 jours, qui est la guerre entre les libéraux et les conservateurs. Et lui, il était dans le camp des libéraux et il n'a jamais reçu sa pension de guerre. Et donc, il attend cette lettre qui, au-delà de la question financière, serait d'un point de vue symbolique la reconnaissance des services qu'il a rendus à la nation. Voilà. Donc, oui, la réalité sociopolitique est là. Est-ce que c'est un roman engagé? Vous avouerez que pour décrire un engagement, fabriquer de l'espoir, de l'avenir, il y a mieux qu'un vieux monsieur qui est revenu de tout et qui ne comprend strictement rien à ce qu'il voit autour de lui. Mmh. Donc, à mon avis, plus que un roman de l'engagement, c'est subrepticement poser les jalons du non-engagement. Et il y a toujours cette dialectique entre l'intérieur et l'extérieur. Dans ce roman, comme peut-être partout chez Gabriel Garcia Marquez, l'intérieur, c'est peut-être, vous allez me dire si je me trompe, ce que Gabriel Garcia Marquez souhaite montrer en réalité, c'est-à-dire lui-même. Et l'extérieur, c'est cette injonction que Cortázar et d'autres, lui enjoignent d'écrire. On le sent, ça, dans... Probablement, dans cette espèce de... roman-là. Oui, probablement, puisqu'on voit bien qu'il y a une opposition. On est à l'intérieur, dans la pauvreté, le dénuement, la maladie, etc. Mais on est dans l'intimité, dans l'amour, alors qu'on est contraint de sortir. Alors sortir pour aller au port, voir s'il y a du courrier, sortir pour aller au cabinet de l'avocat, pour entamer des démarches, pour obtenir justice, etc. Et à l'extérieur, c'est toujours désagréable. La preuve, c'est que la première fois où le colonel sort, c'est pour un enterrement. Et puis, c'est toujours décevant puisqu'il n'y a pas de lettre. Et c'est surtout toujours incompréhensible. En particulier, dans cette scène qui est centrale à l'intérieur du roman, quand vous savez que le colonel a hérité de son fils un coq de combat. Et les amis du fils ont pris ce coq et en ont fait un symbole qui permettrait de racheter l'honneur du village puisqu'il irait combattre contre les coqs des autres. Et voilà, donc là, il y a vraiment un surinvestissement de l'extérieur à l'égard de ce coq qui, pour le colonel, n'est que d'un côté un volatile, de l'autre côté quelque chose de sentimental puisque c'est l'héritage de son fils. Et dans cette scène centrale, on est donc dans la lice, ce qui devrait vraiment être un symbole limpide pour la vie publique. Et là, le colonel arrive, voit son coq et regarde les gens autour de lui et ne comprend pas ce que ces gens font là, ne comprend pas ce qu'ils attendent de son coq. Il récupère son coq et il rentre chez lui. Donc on voit bien, le coq a été sorti par les amis de son fils de l'intérieur, amené à l'extérieur, et lui fait exactement le mouvement inverse. Et alors comment est-ce qu'on passe de ces premiers livres dont on vient de parler à 100 ans de solitude? Qu'est-ce qui se passe pour arriver à ce chef-d'œuvre? Alors, 100 ans de solitude, c'est une longue maturation. Il a dit, alors est-ce que ça fait partie de son auto-mythe ou je ne sais pas. En tout cas, il a dit qu'il avait commencé à l'écrire à 18 ans. Ça s'appelait, un des premiers titres, c'était La Maison. Mmh. Voilà. Et il a dit, mais je me rendais compte que j'avais toute l'histoire, mais je n'avais pas le souffle. En fait, ce qui lui manquait, c'est l'écriture. On va en écouter d'abord un extrait, puis on continue d'en parler juste après. Dans le hameau retiré de Riohacha, vivait depuis fort longtemps un créole planteur de tabac, dont José Arcadio Buendía, avec lequel l'arrière-grand-père d'Ursula monta une affaire si prospère qu'en peu d'années leur fortune fut faite. Des siècles plus tard, l'arrière-petit-fils du créole épousa l'arrière-petite-fille de l'aragonais. Voilà pourquoi, chaque fois que les folies de son mari la faisaient sortir de ses gonds, Ursula sautait 3 siècles d'événements fortuits en arrière et maudissait l'heure où Francis Drake attaqua Rio Hacha. Ce n'était qu'un simple moyen de se soulager car, à la vérité, ils étaient unis jusqu'à leur mort par un lien plus solide que l'amour, un commun remords de conscience. Ils étaient cousins l'un de l'autre. Ensemble, ils avaient grandi dans l'ancien hameau dont leurs ancêtres respectifs avaient fait, par leur travail et leurs règles de vie, un des meilleurs villages de la province. Bien qu'on eût pu prévoir, depuis leur venue au monde, qu'ils deviendraient mari et femme, du jour où ils firent part de leur intention de se marier, leurs propres parents s'efforcèrent d'y mettre le holà. Ils craignaient que ces deux rameaux parfaitement sains, de deux lignées séculairement entrecroisées, ne connussent la honte d'engendrer des iguanes. Il y avait un précédent abominable. Une tante d'Ursula, mariée à un oncle de José Arcadio Buendia, eut un fils qui porta toute sa vie des pantalons flottants, aux jambes réunies en une seule, et qui mourut, vidé de tout son sang, après 42 ans d'existence dans le plus pur état de virginité, car il était né et avait grandi, pourvu d'une queue cartilagineuse en forme de tire-bouchon, avec une touffe de poils au bout. Une queue de cochon, qu'au grand jamais il ne laissa voir à aucune femme, et qui lui coûta la vie, le jour où un ami boucher s'offrit à la lui couper d'un coup de hachoir. La compagnie des auteurs sur France Culture avec cet extrait de « Cent ans de solitude » lu par Renaud Bertin. On peut reposer rapidement l'intrigue du livre suite à une union consanguine et à la honte qui s'ensuit et à un meurtre également commis pour tenter de laver cette honte. Le couple maudit des premiers Buendia part fonder une ville au loin pour se couper des autres hommes. Et cette petite ville, ce sera Macondo. On peut résumer comme ça le début, en tous les cas, de 100 ans de solitude. Oui, oui, oui. Ça ne commence pas comme ça, mais c'est le, disons que c'est l'idée. Voilà, c'est le début de l'histoire, c'est pas le début du récit, mais c'est effectivement le début de l'histoire. Ah non, le début du récit, c'est cette fameuse phrase bien connue de la découverte de la glace, mais je pense qu'on en parlera demain. Alors, Cent ans de solitude, c'est le grand roman de Gabriel Garcia Marquez, avec sans doute L'automne du patriarche. C'est une œuvre gigantesque. Vous la rapprochez même de la Divine Comédie de Dante, avec notamment ses différents cercles de l'enfer. Oui, alors je pense que c'est une... Là, Borges me donnerait sa bénédiction. Je pense que c'est une licence de lecteur qui a le souvenir de ses lectures, en particulier quand elles sont concomitantes, et qui du coup fait des associations. Là, j'ai effectivement remarqué qu'il y avait le même nombre de générations qu'il y avait dans les cercles de l'enfer de Dante. Mais c'est effectivement ça, c'est un jeu intertextuel qui est amusant, mais chez Garcia Marquez, l'intertextualité est secondaire par rapport à la dimension biographique. Oui. Alors c'est l'écriture de soi. Oui. Le village de Macondo, ou la ville qui est racontée de manière débridée, pourrait-on dire, c'est un peu la forêt de Brocéliande, cet endroit, non? Alors c'est oui, effectivement, c'est un lieu qui est isolé. Mais on comprend bien pourquoi, puisque l'objectif, c'est de reconstituer un monde qui pourrait héberger le projet de reconstitution de cette réalité inexistante. Donc il faut que ce soit une réalité à part et qu'il soit le plus longtemps possible séparé de tout ce qui va ramener le politique, le social, la guerre, etc. Donc tout peut arriver dans ce roman. Il y a des tapis volants qui promènent des enfants au-dessus des toits de la ville. Il y a des aimants géants qui emportent les poêles à frire, les couverts, les marmites. Il y a des gitans qui, après avoir connu la mort, reviennent à la vie. Des femmes qui entrent en lévitation et s'élèvent dans le ciel corps et âme. Toutes ces choses sont des métaphores. Alors, ce sont des métaphores, et puis surtout, c'est pour ça que j'aimerais que nous parlions un petit peu aussi de réalisme magique, réalisme merveilleux, pour comprendre ce que sont toutes ces choses. Voilà, c'est-à-dire que je ne vais pas m'étendre parce que probablement Gustavo Guerrero en parlera demain, Mais en fait, il n'y a pas de réalisme magique. Le réalisme magique, c'est l'écriture de Garcia Marquez, point. Mmh. Voilà. Alors que le réalisme merveilleux, ça c'est autre chose, c'est effectivement Carpentier qui a, alors non pas inventé cette chose, mais disons qu'il a mis en système et qu'il a mis en écriture. C'est-à-dire que là, il s'agissait pour les auteurs du Boom de inventer une littérature qui serait proprement latino-américaine, avec sa propre écriture, décrivant sa réalité, alors qu'il qui est à part ou pas. Les générations d'auteurs latino-américains aujourd'hui râlent quand on dit que la réalité latino-américaine est à part. En tout cas, voilà, c'est-à-dire il y aurait un objet à décrire, la réalité latino-américaine, et le roman européen, avec les formes du roman européen, qui ne correspondraient pas. Et donc finalement, le réalisme merveilleux, ce serait cette forme d'écriture qui dirait cette autre réalité latino-américaine. Mmh. Alors que pour Garcia Marquez, c'est pas ça. Il s'agit véritablement, je vous l'ai dit, avec l'histoire de la scène primitive, de arriver à donner existence par le texte à cette chose inexistante, purement imaginaire, de l'ordre de souvenir du monde idéal. Voilà, du monde de l'enfance. Parce qu'en fait, on ne peut pas représenter dans un récit simplement réaliste ce qu'on a à représenter. On utilise donc ce réalisme magique. On peut reformuler les choses comme ça. C'est-à-dire, ce serait la magie des pouvoirs de la littérature qui peut tout imaginer dès lors qu'on accepte au seuil, avec ce fameux bloc de glace, d'y croire. Et à partir de là, on n'a plus à se poser la question, est-ce que c'est possible, pas possible. En fait, la question se pose pas. On est dans ce pays-là, et dans ce pays-là, c'est comme ça. Mmh. Voilà. Donc on vainc les lois de la pesanteur grâce à ce réalisme magique, mais il faudrait peut-être parler plutôt de réalisme marquésien, puisque ce que vous nous dites là, c'est à quel point il y a une originalité de Gabriel Garcia Marquez dans ce courant qui le précède et qui s'en va aussi en d'autres ramifications. On pourrait parler de Günter Grass, de Salman Rushdie, de Milan Kundera, qui peuvent aussi d'une certaine manière appartenir à ce courant du réalisme magique. Donc comment définir très précisément le réalisme magique kundérien, le réalisme kundérien? Marquésien. Marquésien. Alors, je trouve la distinction que vous faites parfaite. Ce serait le réalisme marquésien, et à ne pas confondre avec le réalisme merveilleux, dans le sens où l'idée de Garcia Marquez ne serait pas de représenter la réalité latino-américaine, même si évidemment elle est en toile de fond, mais de donner corps, de donner existence à cet univers personnel. Du coup, comment décrire le réalisme magique marquésien ou le réalisme marquésien? Ce serait l'écriture de soi dans cette espèce d'immense démesure. Merci Caroline Lepage, on va reprendre notre conversation sur l'œuvre de Gabriel Garcia Marquez, mais tout de suite, c'est le moment d'En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et en compagnie aujourd'hui du nouveau magazine littéraire représenté par vous, Alexis Broca. Bonjour. Bonjour Mathieu, je rappelle bonjour que votre roman Un 2 dans la machine vient de paraître, mais vous venez nous parler aujourd'hui du sommaire du nouveau magazine littéraire. C'est le numéro d'octobre et il sort demain. Voilà, il sort demain et je suis ravi parce que nous consacrons notre dossier à un poète que je révère particulièrement, qui est Guillaume Apollinaire. En effet, ça fait 100 ans en novembre prochain que Guillaume Apollinaire est mort, et ça nous paraissait une bonne occasion de nous pencher sur la place très particulière qu'il occupe à la fois dans l'histoire littéraire et dans le cœur des lecteurs. En effet, Guillaume Apollinaire, c'est quelqu'un sur lequel on écrit beaucoup. Là, à l'occasion du centenaire, il y a vraiment une grande floraison d'ouvrages, et c'est aussi surtout un poète qui est très apprécié des lecteurs, et ça se voit dans les chiffres, ce qui est rare en poésie, puisque le recueil Alcool s'est vendu à près de 2 millions d'exemplaires. On peut dire que c'est exceptionnel, hein, pour un recueil de poésie. Et bref, pour pour parler de ce poète et du lien particulier qui l'unit à ses lecteurs, on a d'abord sollicité un de ses grands lecteurs qui est Frédéric Pajac. Frédéric Pajac est écrivain et dessinateur et qui avait publié en 2000 un livre qui s'appelait « Chagrin d'amour » consacré à Apollinaire. Et il nous a écrit un texte que j'ai trouvé très beau qui raconte, c'est un texte qui commence de manière très personnelle. Frédéric Pajac raconte comment, après un chagrin d'amour, il a découvert Apollinaire vers l'âge de 19 ans. Et ça ouvre sur une évocation plus large, à hauteur de lecteur, d'Apollinaire poète et d'Apollinaire amoureux. C'est un texte très touchant, c'est un texte aussi malicieux, puisque notamment Frédéric Pajac raconte comment est-ce qu'il interprétait le fameux refrain de la chanson du Mal-Aimé, vous savez, « Voilà que t'es eau sur lumineuse des blancs ruisseaux de Canaan et des corps blancs des amoureuses ». Bon, Pajac raconte qu'à 19 ans, il y voyait des spermatozoïdes perdus et des gamètes devenues célestes. On n'est pas très sérieux quand on a 19 ans toujours, mais en tout cas, on considère les arts et, avec un regard souvent d'une fraîcheur sans pareil. Et puis, dans un style complètement différent, on a un autre texte qui est lui aussi très épris, mais plus universitaire. Cette fois, c'est Laurence Campa, qui est la spécialiste d'Apollinaire. Alors là, on a demandé à Laurence Campa, en fait, de nous situer Apollinaire dans l'histoire de la poésie. Et c'est quelque chose qui n'est pas si facile, parce que vous savez, à cause des calligrammes et des vers de rupture de zone, on a tendance à faire d'Apollinaire le chantre d'une modernité à tout craint, un apôtre de la table rase. En fait, c'est pas du tout ça, évidemment. Apollinaire, c'est quelqu'un, comme l'écrit Laurence Campa, c'est une personnalité ondoyante et prismatique qui écoutait beaucoup les tonalités crépusculaires de Verlaine, qui a trouvé chez Cervantes ou Rabelais un goût pour les ruptures qu'il aimait beaucoup. Et c'était quelqu'un qui pouvait à la fois louer Goethe et signer un manifeste de l'anti-tradition futuriste sans que ce soit contradictoire. Pardon. Je crois que vous avez aussi quelque chose sur Apollinaire et la peinture, Alexis. Oui, on a quelque chose sur Apollinaire et la peinture. On a aussi un papier, d'ailleurs, dont je me suis occupé, sur l'affaire du vol de la Joconde. Ah. Est-ce que vous saviez, cher Mathieu, que Guillaume Apollinaire avait été soupçonné un temps d'avoir été à la tête d'une bande de malfaiteurs? Je le savais. Vous le savez, vous le saviez, quand même, vous avez fait quelque chose sur Apollinaire. Mais oui, Apollinaire et Picasso, en effet, on a été soupçonnés d'avoir participé au vol de la Joconde. Apollinaire a même passé quelques temps à la santé. Et oui. Il a tiré quelques poèmes. Et puis, on a aussi demandé à plusieurs écrivains dont on pressentait le goût pour Apollinaire, souvent parce qu'ils utilisent des vers d'Apollinaire dans leur titre, de nous écrire des textes libres sur un poème de leur choix. Par exemple. Par exemple, on a une nouvelle qui est très belle de Geneviève Brisac qui nous parle de la façon dont le pont Mirabeau peut consoler une adolescente déçue par l'amour, dont Apollinaire peut consoler une adolescente sans la leurrer. On a un texte très chouette de Stéphane Audguy sur un de mes poèmes préférés qui s'appelle Marie Zibylle, un autre de Philippe Forest qui nous décrypte le calligramme toujours, ou encore David Diop, qui est un auteur dont on parle beaucoup en cette rentrée, qui parle de Visée, un poème de guerre. Bref, vous voyez, des amoureux d'Apollinaire, on en trouve plein les bibliothèques. Il y en a aussi, j'imagine, beaucoup parmi nos auditeurs. Merci beaucoup, Alexis. Tout cela retrouvé dans les colonnes du nouveau magazine littéraire à Paris. Merci, Mathieu. Demain. Vous écoutez bien la Compagnie des auteurs et vous êtes sur France Culture. Nous parlons jusqu'à demain de l'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez, né en 1928 et mort en 2014. Nous sommes pour ce faire aujourd'hui avec Caroline Lepage, auteure notamment du livre L'univers de Gabriel Garcia Marquez aux éditions Ellipse. Et nous continuons à évoquer avec elle le grand roman Cent ans de solitude, dont voici un nouvel extrait lu par Guillaume Gallienne. Ainsi passa pour lui le temps entre le colosse de Rhodes et les charmeurs de serpents, jusqu'au jour où son épouse lui annonça qu'il ne restait plus que 6 kilos de viande salée et un sac de riz au grenier. « Et alors que veux-tu que j'y fasse ? » demanda-t-il. « Je n'en sais rien, » répliqua Fernanda. « Ces choses-là regardent les hommes. »« Fort bien, » répondit Aureliano le second. « On y pourvoira quand il aura cessé de pleuvoir. » Il continua à montrer plus intérêt pour l'encyclopédie que pour ce problème domestique, même lorsqu'il dut se contenter de miettes de viande et d'un peu de riz à déjeuner. « Il est impossible de rien faire maintenant, » disait-il. « Il va pas pleuvoir toute la vie. » Et plus il renvoyait aux calendes grecques les nécessités pressantes du grenier, plus grande se faisait l'indignation de Fernanda, jusqu'à ce que ses protestations accidentelles, ses explosions peu fréquentes, finissent par déborder en un torrent impossible à contenir, véritablement déchaîné, qui commença un beau matin comme une monocorde ritournelle de guitare, et au fur et à mesure que s'avançait la journée, monta d'un ton de plus en plus nourri, de plus en plus généreux. Aureliano II ne prit conscience de cette litanie de reproches que le jour suivant, après le petit déjeuner, lorsqu'il se sentit tout étourdi par un bourdonnement qui se faisait encore entendre plus limpide et sur des notes plus hautes que la rumeur de la pluie. Et ce n'était rien d'autre que Fernanda qui déambulait dans toute la maison, se plaignant qu'on l'eût éduquée comme une reine pour finir comme une boniche dans une maison de fous, avec un mari fainéant, idolâtre, libertin, qui se couchait de tout son long en attendant que du ciel le pain lui tombât tout cuit, tandis qu'elle s'esquintait les reins à essayer de maintenir à flot un foyer retenu par des épingles à nourrice, où il y avait tant à faire, tellement de choses à supporter et à redresser, depuis que le bon Dieu faisait naître le jour jusqu'à l'heure de se coucher, qu'elle se mettait au lit les yeux remplis de poudre de verre. Et malgré tout cela, personne ne lui avait dit « Bonjour, Fernanda, tu as passé une bonne nuit, Fernanda ?» Et on ne lui avait pas davantage demandé, ne fût-ce que par déférence, pourquoi elle était si pâle et pourquoi elle se réveillait avec des cernes violets, bien qu'elle n'attendît certainement pas cela du reste de la famille, qui en fin de compte l'avait toujours considérée comme une gêne, comme la guenille servant à prendre la marmite sans se brûler, comme un vulgaire pantin dessiné sur le mur et qui était toujours en train de déblatérer comme elle dans les coins, la traitant de bigote, la traitant de pharisienne, la traitant de fiefie coquine, et jusqu'à Amaranta, qu'elle repose en paix, qui avait osé dire à haute voix qu'elle était de celles qui confondent leur rectum avec la semaine sainte. Béni soit Dieu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Décidément, c'est le roman de toutes les passions. Caroline Lepage s'entend de solitude, y compris cette passion ordinaire qui est la rage de Fernanda. Qu'est-ce que vous retenez-vous de cet extrait qu'on vient d'entendre ? Alors, je le trouve très amusant. Et puis, lu par Guillaume Gallienne, c'est vraiment délicieux. Alors, Fernanda, c'est c'est une des rares étrangères à être venue de l'extérieur s'installer à Macondo. Et qui ne se fait pas du tout à cet univers des Buendia. Et donc, c'est vraiment la confrontation entre l'intérieur et l'extérieur. Et l'alchimie ne se produira jamais. Mmh. Donc, je trouve ça vraiment très amusant. Alors, vous dites qu'il y a trois passions qui président à la construction du monde fictionnel macondien. Je pense que ça peut s'appliquer à 100 ans de solitude. On va le voir avec vous. La passion du pouvoir, la passion du savoir, la passion de l'Eros Ludens. Les jeux de l'amour. On peut commencer peut-être par les jeux de l'amour, non ? Oui, alors c'est, disons que ce sont des motifs qui structurent la construction de l'histoire et qui les structurent de la manière suivante, c'est que ça permet de signifier de manière différente de manière différente les personnages et les situations dans lesquelles ils vont être mis en scène. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est la répétition sempiternelle des mêmes figures, que ce soit les Aureliano ou les José Arcadio. C'est la duplication à l'infini. Et donc, ces différentes passions, ça permet justement de montrer les variations, les évolutions et comment l'histoire progressivement avance vers son autodestruction. Donc, ce sont finalement des outils de l'histoire qui permettent de faire avancer la mécanique du texte. Mais l'amour et le sexe, c'est quand même le courant souterrain qui irrigue un petit peu toute l'œuvre. Oui. D'ailleurs, il y a quand même cette histoire de sexe cartilagineux qu'on a entendu tout à l'heure. Et puis, il y a aussi l'inceste originel. Oui. Alors ça, l'inceste, je pense qu'il faut le prendre aussi comme une métaphore, un symbole. C'est-à-dire que ça n'est pas tellement à prendre au pied de la lettre, c'est plutôt l'idée d'un univers qui se reproduit lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question morale. D'ailleurs, il y a peu de questions morales dans ce texte-là. Le principal problème, l'interdit, porte sur nous allons engendrer un enfant à queue de cochon. Voilà, la question morale se pose pas. Donc là, je pense qu'il faut l'entendre comme un univers clos sur lui-même, qui s'auto-engendre lui-même et se reproduit à l'infini de cette façon-là. Vraiment, c'est métaphorique. C'est un roman de la procréation. De la génération à l'infini. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, c'est Kundera qui le remarque, hein, dans les romans en général. Et c'est vrai que dans 100 ans de solitude, il y en a beaucoup avec, vous l'évoquiez à l'instant, des noms qui se ressemblent. Il y a Arcadio José Buendía, José Arcadio le second, Aureliano Buendía, Aureliano le second. Bon, qu'est-ce que ça signifie ça pour vous, Caroline Lepage? Alors, le fait que ce soit des enfants, ça relève de ce que j'ai expliqué jusque-là, de le désir de recréer cet univers où on peut être éternellement un enfant ou en état d'enfance. Alors, entre autres choses, par le biais de personnages d'enfants. Oui. Et puis, par le biais d'un univers où, effectivement, il y a des tapis volants. Quand on boit une tasse de chocolat, on fait de la lévitation, etc. Et puis, pour ce qui est de la répétition des mêmes prénoms, c'est pour montrer, justement, que les personnages n'ont pas à avoir d'identité en tant que tels. Ils ont à avoir une identité dans le cadre du projet du texte, qui est précisément la répétition. Mais ça rend la lecture moins aisée aussi. Alors ça, c'est certain que je pense que ça représente une barrière pour beaucoup de lecteurs qui, au bout d'un moment, ne s'y retrouvent plus. Je me souviens d'étudiants qui m'avaient dit « Mais j'ai beau me faire un petit schéma pour me dire « Mais alors attends, lui, de qui est-il le fils ?» En fait, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Et d'ailleurs, je pense que la meilleure solution pour lire ce 100 ans de solitude, c'est non pas de le lire comme un roman, mais comme de le lire comme une espèce d'agglomérat de micro-fiction. Mmh. Ce sont des parcours individuels, des micro-récits, des petites histoires qui sont assemblées entre elles et qui feraient une espèce de roman sous forme d'anthologie de micro-fiction. Donc on peut le prendre au début, ce roman, mais on peut le prendre aussi au milieu. Absolument. Absolument. D'ailleurs, la situation qui est mise en place dans la première page avec le colonel qui est devant son peloton d'exécution va être résolue à la page 152, c'est-à-dire à peu près, le roman fait 500 pages, vous voyez qu'il on peut le prendre depuis tous les bouts. Et ça, qu'est-ce que ça signifie tourne en... Alors, allons-y, disons-le. Le fait qu'il soit sauvé à la page 152, voilà. Alors ça, c'est à mettre en relation avec Chronique d'une mort annoncée, c'est-à-dire que la première ligne de 100 ans de solitude, c'est l'inéluctable, parce que personne n'échappe à un peloton d'exécution. Bien. Sauf que la force du récit, elle est telle qu'elle va pouvoir suspendre la réalité, le temps que l'histoire le voudra. Et finalement, la puissance du texte, c'est aussi de dire, eh bien moi, je suis capable d'extraire le colonel des griffes de son peloton d'exécution, de le sauver, de lui donner encore des années de vie. Alors que dans Chronique d'une mort annoncée, vous voyez que c'est exactement la même situation. Santiago Nasser est condamné à mort et il sera exécuté parce qu'à partir de 1989, García Márquez renonce au pouvoir de la littérature. Pour quelle raison ? Parce que la réalité s'est imposée à lui et la littérature n'a pas tous les pouvoirs. La compagnie des auteurs, nous parlons de García Márquez avec vous, Caroline Lepage. On n'a pas encore abordé la question de l'histoire colombienne chez García Márquez et la question de savoir si, au fond, elle n'est pas représentée dans ce récit égocentrique qu'on a déjà évoqué. Quel est le rapport finalement avec l'histoire colombienne, sans revenir sur ce qu'on a dit en première partie, mais d'une façon peut-être plus souterraine encore, Caroline Lepage? Alors précisément, si on attend de García Márquez qu'il fasse le portrait de la réalité latino-américaine dans son volet historique, politique, social, ou on risque d'être déçu dans la mesure où on la verra en pointillé, en allusion, etc. Est-ce que c'est pas comme ça que beaucoup de gens l'ont vu ? Alors probablement, mais c'est aussi le revers de ça, c'est qu'aujourd'hui, disons depuis les années 90, les jeunes générations d'auteurs prennent García Márquez comme cible de l'ensemble du boom dans les représentations de la réalité latino-américaine, sociale, politique, qu'il aurait donné à travers ses romans. C'est-à-dire qu'on dit, là, Garcia Marquez a finalement, ne se distingue pas tellement de Christophe Colomb et des chroniqueurs des Indes, parce qu'il a produit du mythe et de la légende sur l'Amérique latine. C'est-à-dire, de nouveau, c'est une histoire différente, une réalité différente, enfin bref, les tapis volants, etc. C'est-à-dire que, en suivant cette lecture-là, je pense qu'on condamne Garcia Marquez non seulement à être limité, c'est-à-dire à avoir une connaissance une représentation de l'histoire latino-américaine assez restreinte, parce que vous voyez là, il y a eu tout à l'heure la lecture du chapitre 2, du début du chapitre 2, le 16e siècle en Colombie. Et en fait, ce 16e siècle, en fait, jusqu'au 19e, est complètement escamoté. Tout ça, ça fait deux paragraphes. Voilà, ce qui prouve bien que... Mais c'est quand même son droit d'écrivain, non ? Alors ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Simplement, quand on dit c'est la Bible de l'Amérique latine, c'est le roman total, on a des exigences, se pose un horizon d'attente et d'exigence très très clair. Et on veut que son temps de solitude, ce soit l'Amérique latine. Mmh. Or, il manque beaucoup de choses, par exemple les Indiens, les Noirs, les indigènes, les Noirs, etc. Ou alors, c'est représenté de manière à... donner un portrait de l'Amérique latine qui n'est pas réaliste, entre guillemets, du point de vue des critères des auteurs de maintenant. Mmh. Mais alors, est-ce que le rapport de Garcia Marquez à l'histoire, avec un grand H, était dans sa vie personnelle quelque chose d'important ? Est-ce qu'il connaissait d'ailleurs ? Est-ce qu'il avait une connaissance intime de l'histoire du continent ? Alors, vous avez parlé aussi de ça lundi. C'est Annie Morvan, je crois, qui disait que Garcia Marquez avait d'énormes lacunes dans son éducation, la littérature, et elle a dit l'histoire. Et c'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, les relectures, un certain nombre de relectures qui sont faites de son œuvre montrent précisément les lacunes qu'il peut avoir dans le traitement de l'histoire. Mmh. Mais il n'en reste pas moins que, et je pense que là, il y a un basculement à partir du moment où il reçoit le prix Nobel, en 1982, où on le met sur le piédestal d'être le représentant le plus sublime de l'Amérique latine, et celui qui est le mieux à même et le plus légitime d'en parler. Et il accepte finalement cette mission, entre guillemets. Qui ne l'accepterait pas ? Voilà, il l'accepte et à partir de là... Sartre, c'est le prix Nobel. Hein. Oui, bien sûr, mais à partir de là, je pense qu'il s'autorise, d'ailleurs son discours du Nobel, il le dit à nous. Nous ceci, nous cela. Donc d'un seul coup, il devient la voix de l'Amérique latine, celui qui est légitime à raconter l'histoire de l'Amérique latine, d'où son Bolivar, le général dans son labyrinthe. Alors justement, parlons un tout petit peu du général dans son labyrinthe, parce que ça, c'est peut-être davantage une biographie qui s'inscrit dans le réel. D'où est-ce que ça vient, et finalement, pourquoi choisir cette figure pour faire une biographie, c'est-à-dire quand on est Garcia Marquez, pour s'approcher davantage que d'habitude du réel et de l'histoire telle qu'elle est arrivée? Alors, ce projet, c'est précisément dans la période où Garcia Marquez se dit qu'il est la personne légitime, l'intellectuel, l'écrivain latino-américain, légitime pour dire la vraie histoire latino-américaine. Et donc, il va prendre précisément ce personnage-là. C'est la figure qui s'impose. C'est la figure emblématique. Voilà. Et il va, comme souvent dans roman histoire, prendre les trois derniers mois de la vie de Bolivar, puisque c'est là où les historiens, il échappe un peu à l'histoire officielle. Et il dit, eh bien, moi, je vais raconter les trois derniers mois de la vie de Bolivar, et à travers la fictionnalisation, maître de la fiction dans l'histoire, je vais donner le vrai Bolivar. Mmh. Voilà. Et évidemment, à travers ce Bolivar, il s'écrit lui-même. Il est symptomatique que les deux premiers mots de Le Général dans son labyrinthe, ce soit José Palacios. Et José Palacios, c'était le serviteur de Bolivar. Et donc celui qu'il a connu au plus près, qu'il a vu dans sa salle de bain, dans sa baignoire, se plonger nu dans les eaux dépuratives, etc. Et en fait, ça va être une espèce de métaphore de Garcia Marquez qui, lui, va montrer qu'il est le plus à même de voir le personnage par-delà les oripeaux du pouvoir, les tribunes, etc., etc. Et il va en fait s'écrire lui-même à travers ce personnage-là. Mais au-delà de ça, c'est quand même un livre documenté. C'est un livre qui raconte une histoire vraie, entre guillemets. Alors, c'est un livre qui raconte une histoire vraie, certes, mais dans ces fameux trois mois qui sont une zone grise, une zone d'ombre, et où donc la fiction va pouvoir coloniser le réel et puis proliférer et récupérer présenter les choses sous le jour qui lui convient. Alors il nous reste une trentaine de secondes pour parler d'une expression « bien des années plus tard ». Bien des années plus tard, c'est une formule qui revient tout le temps dans la bouche de Gabriel Garcia Marquez, ou plutôt dans son écriture. Pour quelle raison d'après vous ? Alors ça, effectivement, c'est le leitmotiv, c'est un peu comme le coup de baguette magique qui déclenche la magie, et en l'occurrence qui déclenche le récit. C'est le leitmotiv. Parce qu'il n'y a pas de chronologie explicite, bien des années plus tard, ça nous renvoie dans un autre univers. C'est ça, c'est la porte d'entrée vers l'autre monde, l'autre réalité, celle du texte, de la littérature. Merci beaucoup, Caroline Lepage. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, je conseille votre ouvrage « L'univers » de Gabriel Garcia Marquez, publié aux éditions Ellipse en 2008, mais également « 100 ans de solitude, voyage en pays macondin » aux éditions du CNED. Cette émission n'aurait pu avoir lieu sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Clément Daté. Demain, nous élargissons la focale pour parler de Garcia Marquez dans le contexte de la littérature sud-américaine. Ce sera avec Gustavo Guerrero qui nous parlera également de Chronique d'une mort annoncée. Et tout de suite sur France Culture, on trouve la poésie Jacques Bonafé. Bonjour. Parce qu'il est apparu que devait surgir une nouvelle écriture de la nature depuis que nous réalisons que nous sommes rentrés, c'est dur, mais c'est sûr, dans l'âge de l'homme, l'anthropocène. Loin du romantisme aux élans naturels magnifiés, la poésie cherche encore ses mots. Repartons donc aux lisières de l'anthropocène quand Ponge, Francis Ponge, écrivait sa Fabrique du Pré. Que parfois la nature, à notre réveil, nous propose ce à quoi justement nous étions disposés, la louange aussitôt s'enfle dans notre gorge, nous croyons être au paradis. Voilà comme il en fut du pré que je veux dire, qui fera mon propos aujourd'hui. Parce qu'il s'y agit plus d'une façon d'être que d'un plat à nos yeux servi, la parole y convient plutôt que la peinture, qui n'y suffirait nullement. Prendre un tube de verre, l'étaler sur la page, ce n'est pas faire un prêt. Ils naissent autrement, ils sourdent de la page. Encore faut-il que ce soit page brune. Préparons donc la page où puisse aujourd'hui naître une vérité qui soit verte. Parfois donc, ou mettons aussi bien par endroit, parfois notre nature... J'entends dire d'un mot la nature sur notre planète et ce que chaque jour à notre réveil nous sommes. Parfois notre nature nous a préparés à un pré. Mais qu'est-ce qui obstrue ainsi notre chemin? Dans ce petit sous-bois mi-ombre mi-soleil, qui nous met ses bâtons dans les roues? Pourquoi, dès notre issue en surplomb sur la page, dans ce seul paragraphe, tous ces scrupules? Pourquoi donc, vu d'ici, ce fragment limité d'espace, tiré à quatre rochers ou à quatre haies d'aubépine, guère plus grand qu'un mouchoir, moraine des forêts, ondée de signes adverses, ce prêt, surface amène, auréole des sources et de l'orage initial suite douce, en appel ou réponse unanime, anonyme à la pluie, nous semble-t-il plus précieux, soudain, que le plus mince des tapis perçants? Et là, Nicolas sort sans prévenir, non, vous êtes trop con à la fin. Comment faudra-t-il vous le dire? Arrêtez d'asperger ce prêt de votre chimie de mort. Et dans le silence qui suit, la voix d'Anis Koltz. Des millions d'années hurlent en vain dans nos bouches. La parole est impuissante. Elle a le monde entier contre elle. Et elle enchaîne. Souvenir, devenu un arbre, je me réveille au milieu de mes racines. Le bruit de la pluie est une machine d'imprimerie qui me rappelle que jadis, j'écrivais. Je marche à l'intérieur de moi-même, comme à travers une forêt vierge envahi par ses ombres. Mon sang tourne comme un fauve encagé. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de textes de Francis Ponge.